Chapitre 40e, la machine de M. Guillotin. Le surlendemain, grâce aux ramifications étranges que Cagliostro possédait dans toutes les classes de la société et jusque dans le service du roi, il savait que le comte Louis de Bouillé était arrivé à Paris le 15 ou 16 novembre, avait été découvert par M. de Lafayette, son cousin, le 18, avait été présenté par lui au roi le même jour, s'était offert comme compagnon serrurier à Gamin le 22, était resté chez lui 3 jours. Le 4e jour était parti avec lui de Versailles pour Paris, avait été introduit sans difficulté près du roi, était rentré dans le logement qu'il occupait près de son ami Achille du Châtelet, avait immédiatement changé de costume et le même soir était reparti en poste pour Metz. D'un autre côté, le lendemain de la conférence nocturne qui avait eu lieu dans le cimetière Saint-Jean entre lui et M. de Beausire, il avait vu l'ancien exempt accourir tout effaré à Bellevue chez le banquier Zanon. En rentrant du jeu à 7 heures du matin, après avoir perdu jusqu'à son dernier louis, malgré la martingale infaillible de M. Lowe, Maître Beausire avait trouvé la maison parfaitement vide, Mademoiselle Oliva et le jeune Toussaint avaient disparu. Alors il était revenu dans la mémoire de Beausire que le comte Cagliostro avait refusé de sortir avec lui, déclarant qu'il avait quelque chose de confidentiel à dire à Mademoiselle Oliva. C'était une voie ouverte aux soupçons. Mademoiselle Oliva avait été enlevée par le comte Cagliostro. En bon limier, M. de Beausire avait mis le nez sur cette voie et l'avait suivi jusqu'à Bellevue. Là, il s'était nommé et aussitôt avait été introduit près du baron Zanon ou du comte Cagliostro, comme il plaira au lecteur d'appeler pour le moment, sinon le personnage principal, tout au moins la cheville ouvrière du drame que nous avons entrepris de raconter. Introduit dans le salon que nous connaissons pour y avoir vu entrer, au commencement de cette histoire, le docteur Gilbert et le marquis de Fabras, et se trouvant en face du comte, Beausire hésita. Le comte lui paraissait un si grand seigneur qu'il n'osait pas même lui réclamer sa maîtresse. Mais comme s'il eût pu lire au plus profond du cœur de l'ancien exempt, « Monsieur de Beausire, lui dit Cagliostro, j'ai remarqué une chose, c'est que vous n'avez au monde que 2 passions réelles, le jeu et Mademoiselle Oliva. « Ah, monsieur le comte, s'écria Beausire, vous savez donc ce qui m'amène ?» « Parfaitement. Vous venez me redemander Mademoiselle Oliva. Elle est chez moi. »« Comment ? Elle est chez Monsieur le Comte ?»« Oui, dans mon logis de la rue Saint-Claude. Elle y a retrouvé son ancien appartement. Et si vous êtes bien sage, si je suis content de vous, si vous me donnez des nouvelles qui m'intéressent ou qui m'amusent, eh bien, ces jours-là, Monsieur de Beausire, nous vous mettrons 25 louis dans votre poche pour aller faire le gentilhomme au Palais Royal. Et un bel habit sur le dos pour aller faire l'amoureux rue Saint-Claude. » Beausire avait eu bonne envie d'élever la voix et de réclamer une Mademoiselle Oliva. Mais Cagliostro avait dit 2 mots de cette malheureuse affaire de l'ambassade de Portugal, qui était toujours suspendue sur la tête de l'ancien exempt comme l'épée de Damoclès, et Beausire s'était tu. Alors, sur le doute manifesté par lui que Mademoiselle Oliva fût à l'hôtel de la rue Saint-Claude, Monsieur le comte avait ordonné d'atteler, était revenu avec Beausire à l'hôtel du boulevard, l'avait introduit dans le Sanctum Sanctorum, et là, en déplaçant un tableau, il lui avait fait voir, par une ouverture habilement ménagée, Mademoiselle Oliva, mise comme une reine, lisant dans une grande causeuse un de ces mauvais livres si communs à cette époque, et qui faisait, quand elle avait le bonheur d'en rencontrer, la joie de l'ancienne femme de chambre de Mademoiselle de Tavernet, tandis que M. Toussaint, son fils, vêtu comme un fils de roi, d'un chapeau blanc à la Henri IV retroussé avec des plumes et d'un pantalon matelot bleu de ciel retenu par une ceinture tricolore frangée d'or, jouait avec 2 magnifiques bijoux. Alors, Beausire avait senti se dilater son cœur d'amant et de père. Il avait promis tout ce qu'avait voulu le comte, et le comte, fidèle à sa parole, avait permis, les jours où M. de Beausire apportait quelque intéressante nouvelle, qu'après n'avoir reçu en or le paiement de sa main, il alla en chercher le prix en amour dans les bras de Mademoiselle Oliva. Tout avait donc marché selon les désirs du comte, et nous dirons presque selon ceux de Beausire, quand vers la fin du mois de décembre, à 1 heure fort indue pour cette époque de l'année, c'est-à-dire à 6 heures du matin, le docteur Gilbert, déjà à l'ouvrage depuis 1 heure et demie, entendit frapper 3 coups à sa porte, et reconnut, à la manière dont ils étaient espacés, que celui qui s'annonçait ainsi était un frère en maçonnerie. En conséquence, il alla ouvrir. Le comte de Cagliostro, le sourire sur les lèvres, était debout de l'autre côté de la porte. Gilbert ne se retrouvait jamais en face de cet homme mystérieux sans un certain tressaillement. « Ah ! » dit-il, « comte, c'est vous. » Puis, faisant un effort sur lui-même et lui tendant la main, « Soyez le bienvenu à quelque heure que vous veniez, et quelle que soit la cause qui vous amène. »« La cause qui m'amène, mon cher Gilbert, dit le comte, est le désir de vous faire assister à une expérience philanthropique dont j'ai déjà eu l'honneur de vous parler. » Gilbert chercha à se rappeler, mais inutilement, de quelle expérience le comte l'avait entretenu. « Je ne me souviens pas, dit-il. « Venez toujours, mon cher Gilbert. Je ne vous dérange pas pour rien, soyez tranquille. D'ailleurs, où je vous conduis, vous rencontrerez des personnes de connaissance. »« Cher comte, dit Gilbert, partout où vous voulez bien me conduire, je vais pour vous d'abord. Le lieu où je vais et les personnes que j'y rencontre ne sont plus que choses secondaires. Alors venez, car nous n'avons pas de temps à perdre. » Gilbert était tout habillé. Il n'eut que sa plume à quitter et son chapeau à prendre. Ces deux opérations accomplies, comte, je suis à vos ordres. Partons, répondit simplement le comte, et il marcha devant. Gilbert le suivit. Une voiture attendait en bas. Les deux hommes y montèrent. La voiture partit rapidement, sans que le comte eût besoin de donner aucun ordre. Il était évident que le cocher savait d'avance où on allait. Au bout d'un quart d'heure de marche, pendant lequel Gilbert remarqua qu'on traversait tout Paris et qu'on franchissait la barrière, on s'arrêta dans une grande cour carrée sur laquelle s'ouvraient deux étages de petites fenêtres grillées. Derrière la voiture, la porte qui lui avait donné passage s'était refermée. En mettant pied à terre, Gilbert s'aperçut qu'il était dans la cour d'une prison et, en examinant cette cour, il reconnut que c'était celle de Bicêtre. Le lieu de la scène, déjà fort triste par son aspect naturel, était rendu plus triste encore par le jour douteux qui semblait comme un regret descendre dans cette cour. Il était 6h15 du matin à peu près, heure de malaise l'hiver, car c'est l'heure où le froid est sensible aux plus vigoureuses organisations. Une petite pluie fine comme un crêpe tombait diagonalement et rayait les murailles grises. Au milieu de la cour, 5 ou 6 ouvriers charpentiers sous la conduite d'un maître et sous la direction d'un petit homme vêtu de noir qui se donnait à lui seul plus de mouvement que tout le monde, dressait une machine d'une forme inconnue et étrange. À la vue des deux étrangers, le petit homme noir leva la tête. Gilbert tressaillit. Il venait de reconnaître le docteur Guillotin qu'il avait rencontré chez Marat. Cette machine était en grand la même qu'il avait vue en petit dans la cave du rédacteur du journal L'Ami du Peuple. De son côté, le petit homme reconnut Cagliostro et Gilbert. L'arrivée de ces deux personnages lui parut assez importante pour qu'il quittât un instant la direction de son travail et vint à eux. Cependant, ce ne fut pas sans recommander au maître charpentier la plus grande attention dans la besogne dont il s'occupait. « Là, là, maître Guidon, c'est bien, dit-il, achevez la plateforme. La plateforme, c'est la base de l'édifice. Puis la plateforme achevée, vous dresserez les deux poteaux, en remarquant bien les repères, afin qu'ils ne soient ni trop éloignés ni trop proches. D'ailleurs, je suis là, je ne vous perds pas de vue. » Puis, s'approchant de Cagliostro et de Gilbert, qui lui épargnèrent la moitié du chemin, « Bonjour, baron, dit-il. C'est bien aimable à vous d'arriver le premier et de nous amener le docteur. Docteur, vous vous rappelez que je vous avais invité chez Marat à venir voir mon expérience ? Seulement, j'avais oublié de vous demander votre adresse. Vous allez voir quelque chose de curieux. La machine la plus philanthropique qui ait jamais été inventée. » Puis, tout à coup, se retournant vers cette machine, objet de ses plus chères préoccupations, « Eh bien, Guidon, que faites-vous » dit-il. « Vous mettez le devant derrière. » Et s'élançant par l'escalier que deux aides venaient d'appliquer à l'un des carrés, il se trouva en un instant sur la plateforme, où sa présence eut pour effet de corriger en quelques secondes l'erreur que venaient de commettre les ouvriers, encore mal au courant des secrets de cette machine nouvelle. « Là, là !» dit le docteur Guillotin, voyant avec satisfaction que, maintenant qu'il les dirigeait, les choses allaient toutes seules. « Là, il ne s'agit plus que d'introduire le couperet dans la rainure. Guidon, Guidon ! S'écria-t-il tout à coup, comme frappé d'effroi. « Eh bien, mais pourquoi donc la rainure n'est-elle pas garnie de cuivre ? Ah, docteur, voilà. J'ai pensé que du bon bois de chêne bien graissé cela valait du cuivre, » répondit le maître charpentier. « Oui, c'est cela, » dit le docteur d'un air dédaigneux. « Des économies, des économies. Quand il s'agit du progrès de la science et du bien de l'humanité, Guidon, si notre expérience manque aujourd'hui, je vous en rends responsable. Messieurs, je vous prends témoin, » continua le docteur s'adressant à Cagliostro et à Gilbert. « Je vous prends témoin que je vais demander les rainures en cuivre, que je proteste contre l'absence du cuivre. Donc si maintenant le couperet s'arrête en route ou glisse mal, ce n'est plus ma faute, je m'en lave les mains. » Et le docteur, à 1800 ans de distance, fit sur la plateforme de la machine le même geste que Pilate avait fait sur la terrasse de son palais. Cependant, malgré toutes ces petites contrariétés, la machine s'élevait, et en s'élevant, prenait une certaine tournure homicide qui réjouissait son inventeur, mais qui faisait frissonner le docteur Gilbert. Quant à Cagliostro, il demeurait impassible. Depuis la mort de Lorenza, on eût dit que cet homme était devenu de marbre. Voici la forme que prenait la machine. D'abord, un premier plancher auquel on arrivait par une sorte d'escalier de meunier. Ce plancher, en manière d'échafaud, offrait une plateforme de 15 pieds de large par toutes ses faces. Sur cette plateforme, vers les 2/3 de sa longueur, en face de l'escalier, s'élevaient 2 poteaux parallèles hauts de 10 à 12 pieds. Ces 2 poteaux étaient ornés de la fameuse rainure pour laquelle Maître Guidon avait économisé le cuivre, économie qui venait, comme on l'a vu, de faire jeter les hauts cris au philanthrope docteur Guillotin. Dans cette rainure glissait au moyen d'un ressort qui, en s'ouvrant, lui laissait toute liberté de se précipiter, avec la force de son propre poids centuplé par un poids étranger, une espèce de couperet en forme de croissant. Une petite ouverture était pratiquée entre les 2 poteaux. Les 2 battants de cette ouverture, au travers de laquelle un homme pouvait passer la tête, se rejoignaient, de façon à lui prendre le cou comme avec un collier. Une bascule composée d'une planche de la longueur d'un homme de taille ordinaire jouait à un moment donné et en jouant se présentait d'elle-même à la hauteur de cette fenêtre. Tout cela, comme on le voit, était du plus grand ingénieux. Pendant que les charpentiers, maître Guidon et le docteur, mettaient la dernière main à l'érection de leur machine, pendant que Cagliostro et Gilbert discutaient sur le plus ou moins de nouveautés de l'instrument, dont le comte contestait l'invention au docteur Guillotin, trouvant des analogues dans la Manaïa italienne et surtout dans cette Dôle-Loire de Toulouse avec laquelle fut exécuté le maréchal de Montmorency, de nouveaux spectateurs, convoqués sans doute pour assister aussi à l'expérience, avaient peuplé la cour. C'était d'abord un vieillard de notre connaissance et qui a joué un rôle actif dans le milieu de cette longue histoire. Atteint de la maladie dont il devait mourir bientôt, il s'était, sur les instances de son confrère Guillotin, arraché à sa chambre, était venu, malgré l'heure et le mauvais temps, dans l'intention de voir fonctionner la machine. Gilbert le reconnut et s'avança respectueusement à sa rencontre. Il était accompagné de M. Giraud, architecte de la ville de Paris, qui devait aux fonctions qu'il remplissait la faveur d'une invitation particulière. Le second groupe, qui n'avait salué personne et qui de personne n'avait été salué, se composait de 4 hommes vêtus tous 4 fort simplement. À peine entrés, ces 4 hommes avaient gagné l'angle de la cour le plus éloigné de celui où étaient Gilbert et Cagliostro et se tenaient là, dans cet angle, humblement, parlant bas, et malgré la pluie, ayant le chapeau à la main. Celui qui paraissait le chef parmi ces 4 hommes, ou tout au moins celui que les 3 autres écoutaient avec déférence lorsqu'il prononçait quelques paroles à voix basse, était un homme de 50 à 52 ans, dont la taille était haute, le sourire bienveillant, la physionomie ouverte. Cet homme s'appelait Charles-Louis Sanson. Il était né le 15 février 1738. Il avait vu écarteler Damien par son père, et l'avait aidé celui-ci lorsqu'il avait eu l'honneur de trancher la tête à monsieur de Lally-Tollendal. On le nommait communément monsieur de Paris. Les 3 autres hommes étaient son fils, qui devait avoir l'honneur de l'aider à décapiter Louis XVI, et ses 2 aides. La présence de M. de Paris, de son fils et de deux de ses aides donnait une terrible éloquence à la machine de M. Guillotin, en prouvant que l'expérience qu'il allait faire était tentée, sinon avec la garantie, du moins avec l'approbation du gouvernement. Pour le moment, M. de Paris semblait fort triste. Si la machine dont il était appelé à voir l'essai était adaptée, tout le côté pittoresque de sa physionomie se trouvait retranché. L'exécuteur n'apparaissait plus à la foule comme l'ange exterminateur armé du glaive flamboyant. Le bourreau n'était plus qu'une espèce de concierge tirant le cordon à la mort. Aussi là était la véritable opposition. Comme la pluie continuait de tomber, plus fine peut-être, mais à coup sûr plus serrée, le docteur Guillotin, qui craignait sans doute que le mauvais temps ne lui enlevât quelqu'un de ses spectateurs, s'adressa au groupe le plus important, c'est-à-dire à celui qui se composait de Cagliostro, de Gilbert, du docteur Louis et de l'architecte Giraud, et comme un directeur qui sent que le public s'impatiente. « Messieurs, nous n'attendons plus qu'une seule personne, monsieur le docteur Cavanis. Monsieur le docteur Cavanis arrive, l'on commencera. » Il acheva à peine ces paroles qu'une troisième voiture pénétrait dans la cour et qu'un homme de 38 à 40 ans, au front découvert, à la physionomie intelligente, à l'œil vif et interrogateur, en descendait. C'était le dernier spectateur attendu, c'était le docteur Cavanis. Il salua chacun d'une manière affable, comme doit faire un médecin philosophe, à la tendre la main à Guillotin qui, du haut de sa plateforme, lui criait « Venez donc, docteur, mais venez donc, on n'attend plus que vous !» Puis il alla se confondre dans le groupe de Gilbert et de Cagliostro. Pendant ce temps, sa voiture se rangeait près des deux autres voitures. Quant au fiacre de M. de Paris, il était humblement resté à la porte. « Messieurs, dit le docteur Guillotin, comme nous n'attendons plus personne, nous allons commencer. » Et sur un signe de sa main, une porte s'étant ouverte, on en mit sortir deux hommes vêtus d'une espèce d'uniforme gris, qui portaient sur leurs épaules un sac sous la toile duquel se dessinait vaguement la forme d'un corps humain. On voyait, derrière les vitres des fenêtres, apparaître les visages pâles des malades qui, d'un œil effaré, regardaient sans qu'on eût songé à les y inviter, ce spectacle inattendu et terrible dont ils ne pouvaient comprendre ni les apprêts ni le but.